Léonce Vitariho. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal et donc voici d'abord les principales articulations. Le prix Aura Child Protection Award, qui est destiné aux meilleurs défenseurs des droits de l'enfant dans le monde, a été décerné ce mardi en Allemagne au Burundi. Jacques Nshimirimana, c'est le président de la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi. Il s'en réjouit, comme vous allez l'entendre en début de ce journal. Deux membres du parti FNL en province de Gitega ont été arrêtés lundi. La police à Gitega les accuse de tendre des embuscades sur différents axes. Ce que nient en bloc les familles des accusés. Six cas de choléra sont enregistrés à l'hôpital public de Lumonge en une période ne dépassant pas 10 jours. Tous sont de la zone Minago dans la commune et province de Lumonge. Dans ce journal également, une mère de 5 enfants déclare être sous menace de mort sur la colline Mayemba. C'est dans la commune Nyabiraba en province de Bujumbura. Gisèle Ndoyezou pointe du doigt les enfants que son mari a eu avec une autre femme. L'administration communale tranquillise. Et puis vous aurez le droit à la chronique santé vers la fin de ce journal. Ce sera pour vous parler de la maladie d'épilepsie qui n'est pas contagieuse comme le pensent certains. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le président de la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, Fenade Bansigle, a obtenu ce mardi à Berlin, en Allemagne, le prix Aura Child Protection Award, un prix décerné une fois les 5 ans aux meilleurs défenseurs des droits des enfants dans le monde. Le président de la Fenade se dit bien satisfait et encouragé. Il parle d'un honneur et pour lui et pour le pays. Jacques Nshimirimana ajoute que ce prix lui donne une occasion de plaider davantage pour les droits des enfants. Suivez-le. C'est un prix qui est donné aux défenseurs des droits de l'enfant. C'est un prix également qui encourage parce que, comme vous le savez, nous avons traversé des moments très durs dans notre pays. Les enfants en payent un lourd tribut. Donc, ce sont les enfants qui sont toujours victimes. D'ailleurs, des victimes non avisées parce qu'ils ne savent pas de quoi s'agit-il. Mais ils se retrouvent refugiés, ils se retrouvent orphelins, ils se retrouvent séparés de leur famille. Donc, nous avons tenu et nous sommes toujours à l'œuvre et nous avons décidé de rester debout pour l'intérêt de nos enfants, pour aider en faveur de nos enfants. Et c'est un prix qui est dédié à tous les défenseurs des droits de l'enfant parce que, comme vous le savez, ce n'est pas un travail d'une seule personne, c'est un travail en équipe, c'est un travail qui nécessite la conjugaison des efforts d'autres partenaires, des Nations Unies, des partenaires de la société civile, des ONG internationales, des partenaires locaux, des partenaires du gouvernement. Donc, c'est un prix qui est décerné à tout ce monde-là. Donc, ce serait un grand de ne pas remercier mes collaborateurs, de ne pas remercier tous ces partenaires-là, de ne pas remercier les autres responsables des organisations de défense des droits de l'enfant. Et nous sommes sûrs que nous serons toujours capables et que nous serons toujours à la disposition de nos enfants et que nous serons toujours la voix de sa voix. C'est aussi une très bonne occasion de plaider en faveur des enfants burundais, surtout dans le domaine de l'éducation, le domaine de la santé, le domaine de la protection des enfants, qui sont des domaines visiblement frappés fort par la situation économique que vit le pays actuellement. Et nous sommes sûrs que les partenaires classiques de notre pays vont bien entendre notre cri. Quel sentiment avez-vous en tant que lauréat? C'est un sentiment de joie. Je suis franchement très venu par cet honneur. C'est la première fois que je reçois un tel prix et aussi en dehors de mon pays, après plus d'une dizaine d'années de combat, de lutte pour les droits de l'enfant. Donc vous comprenez bien que le sentiment est un sentiment de satisfaction. Deux membres du parti FNL en province de Gitega ont été arrêtés lundi. La police à Gitega les accuse de tendre des embuscades sur les différents actes. L'un des deux, du nom de Nzambimana Edouard, selon encore la police, a été arrêté dans la commune Bugendana. Les familles des victimes nient l'accusation de la police et indiquent plutôt que les leurs ont été arrêtés pour des raisons politiques. Les quatre militants d'Agathon Rwasa arrêtés mercredi dernier en province de Muramvya restaient toujours sous les verrous au niveau de la brigade au chef-lieu de la même province. Fabien Zeimana, le représentant provincial adjoint des militants d'Agathon Rwasa, indique qu'ils sont incarcérés pour des mobiles politiques de rester derrière Agathon Rwasa. Il déplore qu'ils aillent bientôt totaliser une semaine sans être entendus. Fabien Zeimana est traduit en français par Placide Niyomungere. Il y reste détenu au niveau de la brigade de Muramvya, sauf un qui est dans le cachot de la commune Rutegama. Il s'agit du représentant provincial du parti, celui de la commune Kiganda et deux autres. À une semaine de leur emprisonnement, ils n'ont pas encore été auditionnés. Il n'y a pas d'autre mobile de leurs emprisonnements que de rester derrière à Gatongwasa. Nous demandons qu'ils soient libérés, car il s'agit des accusations gratuites, sauf être militant d'Agatogwasa. À cela s'ajoute une chose. On a volé une moto de Célestin avec ses documents et une somme de 17 000 francs bou. Malheureusement, cette moto reste en circulation et peut de moment à l'autre tomber en panne ou être utilisée pour d'autres fins de banditisme. C'est ce qui montre réellement que nous sommes en train d'être persécutés par les Imbonerakure. La police indique de son côté qu'elle ne reconnaît que 3 détenus au lieu de 4. Pierre Ngurikiye, le porte-parole de la police nationale, précise qu'un certain Sinda Igaya Célestin et Niva Sumba Berkmans sont accusés de tentative d'assassinat à l'aide d'un couteau, tandis que l'enseignant Bukuru Martin est accusé d'entrave à l'action de la justice. 5 militaires burundais, dont un lieutenant, ont été acheminés ce lundi au cachot du service national de renseignement à Bujumbura. La famille de l'un de ces militaires fait savoir que les 5 venaient de passer 3 mois au cachot de la police militaire. Le porte-parole de la police nationale affirme que les 5 militaires ont respectivement les grades de capitaine, de lieutenant et 3 qui ont le grade de premier sergent. Pierre Ngurikiye indique que les 5 militaires sont accusés d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et de participation aux bandes armées. Cette famille demande que les leurs soient libérés et craignent pour leur sécurité. En page éducation, C'est le ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale et de l'emploi qui a présenté aujourd'hui un document de politique nationale de l'emploi. Selon Boniface Ndaïra Guigé, directeur de l'Observatoire et de la formation au sein du département de l'Observatoire burundais de l'emploi et de la main-d'œuvre, ce document va donc se baser sur 5 piliers principaux. Suivez-les. Bon, le premier axe concerne des questions macroéconomiques. La politique donne des orientations comme quoi il faut que toutes les politiques macroéconomiques intègrent la composante, il faut que la question de l'emploi soit prise en compte et que ces politiques mises en place soient des politiques qui propulsent la création d'emplois. Donc c'est un axe très important parce que ça nécessite que le gouvernement vraiment tienne en compte. L'autre axe, c'est un axe qui concerne la compétence et l'employabilité. On a toujours parlé de la problématique de l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Donc c'est un axe qui viendrait corriger justement cette lacune parce que aujourd'hui les formations qui sont offertes sont des formations qui ne tiennent pas compte des réalités du marché du travail. Donc on voudrait que les formations qui sont offertes soient des formations qui permettent le jeune lauréat d'être inséré directement sur le marché. Donc c'est un axe très important aussi parce qu'on voit qu'il y a prolifération des écoles de formation professionnelle, technique, mais au regard de ce qui est donné comme formation, c'est vraiment des formations assimilées aux formations classiques. Donc on voudrait que la politique, toutes les politiques qui sont élaborées dans ce sens, tiennent compte justement de cet axe. Page éducation pour vous parler d'une trentaine d'étudiants de l'Université du Burundi en département d'anglais qui ont été renvoyés pour cette année académique. Et ils ne savaient pas où ils se feront inscrire pour l'année académique suivante après la levée des sanctions. Ceci s'explique par le fait que ce département est en train d'être supprimé progressivement. Pour cette année académique, il ne reste que les 2e et 3e baccalauréat, tandis que l'année suivante, il n'y aura que le 3e baccalauréat seulement. Suivez l'un de ces étudiants renvoyés et qui était en 2e bac. Bon, en fait, pour nous, pour les étudiants du département de langue et littérature anglaise, c'est une particularité parce que nous avons été exclus pour une année et donc nous ne voyons pas. Donc l'année prochaine, nous nous serons parce qu'il n'y aurait pas de 2e année pour l'année prochaine. Pour cette année académique pendant laquelle nous avons été exclus, il y a les 2 années. Là, je dis la 2e baccalauréat et la 3e baccalauréat. Donc il n'y a pas de la première année. Ce qui signifie que l'année prochaine, lorsque nous reviendrons, il n'y aurait pas donc de la 2e année. Donc nous n'aurions donc plus un chat dans l'Université du Burundi. Nous nous retrouverons encore dans la rue. C'est en fait ce que je demanderai aux autorités rectorales de nous préciser bien où nous serons pour cette année académique, parce que nous avons été exclus pour seulement une année. Donc, soit je demande aux autorités qui ont pris cette décision de revoir cette mesure, parce que ça a été une mesure qui est très lourde par rapport à la faute commise. Certains de ces étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines ont été renvoyés après qu'ils aient observé un mouvement de grève au cours duquel ils réclamaient la suppression de certaines filières introduites dans les départements de cette faculté. Rentrée académique ce mardi à l'école normale supérieure, la directrice a fait savoir que plus de 1000 étudiants se sont fait inscrire. Nusra Hassan indique également que l'ENS met sur le marché du travail plus de 500 lauréats. Suivez. Le nombre de ceux qui se sont inscrits dans nos services académiques est de 1034, c'est-à-dire un taux d'inscription de 63%. Ce taux est le plus élevé si l'on se réfère aux données disponibles pour les 5 dernières années. En l'occurrence, pour l'année 2011-2012, le ministère avait orienté 1296 étudiants à l'EA de l'ENS, mais seulement 516 ont accepté de venir s'inscrire, soit un taux d'inscription de 40%. Je vais citer le deuxième indicateur du volume de la qualité de nos services. Il s'agit de l'accès de nos ressortissants à l'emploi. Nous prenons d'ailleurs cette occasion pour vous annoncer que pour cette nouvelle année académique, l'École normale supérieure met sur le marché du travail plus de 500 lauréats du premier cycle et plus de 600 lauréats du deuxième cycle. Le troisième indicateur en faveur de la qualité des services que nous rendons est l'innovation qui a caractérisé l'enseignement et la recherche au cours de l'année écoulée. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le dialogue inter-burundais n'est pas interrompu, il continue. Et il y a des consultations entre différents responsables et le médiateur. Dès qu'il y aura consensus sur comment continuer, le peuple burundais sera informé. Ce sont les propos du conseiller du médiateur du dialogue inter-burundais, l'ambassadeur David Kapia, qui est traduit par Balan Habzaliman. Le dialogue n'est pas encore interrompu, il continue. Il y a des consultations qui se font entre le médiateur et les différentes parties prenantes dans le but de rassembler des idées qui vont lui aider à bien mener la facilitation. Donc, le dialogue continue et dès qu'il y aura consensus sur la façon de poursuivre le dialogue, on va le convoquer, que ce soit à Arusha ou ailleurs. À la fin des consultations, le peuple burundais sera informé sur la date du dialogue. Mashauriano yanaendelea. Ikishakuwa tayari tu, wananchi wataambiwa ni lini sasa yataanza rasmi kule Arusha. Six cas de choléra, tous de la zone Minago en commune et province de Rumonge, sont enregistrés à l'hôpital public de Rumonge au sud du Burundi en une période n'excédant pas 10 jours. Le médecin provincial appelle les habitants à bien observer les règles d'hygiène pour essayer de stopper la propagation de cette maladie. Le point avec Jean-Pierre Misago. Quatre personnes, toutes originaires de la zone Minago, étaient encore dans le centre de traitement du choléra à l'hôpital public de Rumonge ce mardi matin. Mais deux ont été déjà soignés et sont rentrés guéris depuis que le test effectué sur un échantillon prélevé sur un cas reçu le 9 octobre courant se soit révélé positif. Le manque d'eau potable à suffisance et le problème de la trinisation sont les deux principales causes de cette maladie dans Minago, selon le docteur Jean-Claude Ndikumasabo, médecin provincial de Rumonge, qui appelle aux habitants de Minago en particulier et ceux de Rumonge en général de conduire dans l'urgence chaque cas suspect à l'hôpital, consommer l'eau potable même si elle serait puisée loin, creuser des latrines adéquates au moins pour chaque ménage et respecter les autres règles d'hygiène. Le médecin provincial de Rumonge annonce la fermeture des restaurants et cabarets qui ne respectent pas les règles d'hygiène et qui ont été avertis et qui n'ont rien amélioré dans la ville de Rumonge. Jean-Pierre Misago de Purumonge, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre. Je vous le disais en titre, Ndoyezu Gisèle, une mère de 5 enfants, déclare être sous menace de mort. Cette habitante de Mayemba, en commune Nyabidawa de la province Bujumbura, indique que les enfants de son mari, que celui-ci a eu avec une autre femme, menacent de la tuer avec ses propres enfants pour ainsi récupérer ses propriétés. Elle précise qu'ils ont même tenté le forfait en la frappant par une houe sur la tête, mais qu'ils sont toujours libres. Gisèle Ndoyezu demande que sa vie soit protégée. Suivez-la, elle est traduite en français par Dorine Ndailore. Ils ont tenté de me tuer avec un couteau, mais ils n'ont pas réussi. Dernièrement, ils m'ont frappé avec une houe dans la tête. Le chef de colline et l'administrateur sont au courant. Abdelman Aïrik a même menacé de me tuer en présence de l'administrateur. Je demande que ma vie soit protégée. S'ils ont tenté de me tuer la première fois avec le couteau et la deuxième fois avec une houe, j'estime que ma vie est en danger et demande la protection. L'administrateur de la commune Nyabidawa tranquillise cette femme que rien ne va lui arriver car, dit-il, il a déjà donné des injonctions aux auteurs des blessures de Ndoyezu Gisèle qui ne doivent pas la toucher. Suivez Ferdinand Simbananiye, c'est l'administrateur de la commune Nyabidawa. Premièrement, après avoir vu que la femme est blessée, ce qu'on a fait d'abord, c'est soigner cette dame pour sauver sa vie. Et les gens même qui l'avaient tabassée sont obligés de payer la facture, mais ils résistent. Ils résistent, ils ne veulent pas payer. On a saisi les instances habilitées pour pouvoir poursuivre cette question. Je tranquillise aussi cette dame parce que sa question est déjà connue. Personne ne peut en aucun cas la faire du mal actuellement parce que sa situation est déjà connue. Qu'elle soit vraiment tranquille. À voir ce que vous avez déjà fait, est-ce que ce n'est pas ce qu'on appelle règlement à l'amiable? Non, ce n'est pas règlement à l'amiable. Ce n'est pas règlement à l'amiable. Causer blessé, c'est une infraction qui doit être punie. C'est pourquoi l'OPG a déjà fait constat de cela. On attend ce que les OPG vont nous dire parce qu'ils ont déjà entamé les procédures. Et concernant les autres litiges, peut-être des litiges familiaux, des litiges fonciers ou autre chose qui se trouvent dans la famille, ils vont saisir la justice pour pouvoir trancher là-dessus. L'officier de la police et judiciaire qui avait reçu ce dossier indique qu'il l'a déjà transmis au parquet. Cependant, il accepte qu'il garde 100 000 francs burundais que les auteurs du forfait ont donné comme caution médicale. Radio Isanganiro Chronique. Dans la suite de la chronique santé sur l'épilepsie, comme promis mardi de la semaine dernière, le neurologue Patrick Barasukana nous parle aujourd'hui du traitement de cette maladie. Il explique par ailleurs que l'épilepsie n'est pas une maladie contagieuse et comme le pensent certains. Francine Ndiokubgayo pour plus de détails. L'épilepsie est une maladie neurologique due à une mauvaise communication entre les neurones. C'est une maladie qui touche tout le monde et concerne surtout les enfants et les personnes âgées. Le neurologue Patrice Barasukana nous a indiqué dernièrement que parmi les signes d'une épilepsie figurent une perte de conscience et convulsions qui durent moins de 5 minutes. Mais ces convulsions doivent être répétitives. Les caractères d'une épilepsie, d'abord, c'est la survenue d'une convulsion. La répétition de plus d'une convulsion épileptique fait penser à une épilepsie. Donc là, je voudrais y insister beaucoup parce qu'une crise convulsive, une seule, ne suffit pas pour conclure à une épilepsie. Il faudrait plus d'une crise pour penser à une crise d'épilepsie. Il n'y a pas de vaccin contre l'épilepsie, selon le neurologue Barasukana. Il ne s'agit même pas d'une maladie contagieuse, comme le pensent certains. Il y a des croyances qui entourent l'épilepsie et les épileptiques, soi-disant qu'un épileptique, il ne faut pas s'approcher de lui, dès qu'il y a émission de gaz, vous êtes contaminé. C'est archi faux, il faut vraiment crier fort. Ce n'est pas par l'émission de gaz que le malade va vous contaminer, pas du tout. Plutôt, l'épileptique, il faut l'aider à se faire soigner, il faut l'aider à minimiser les risques, parce qu'il risque de tomber dans des caniveaux, il risque de se casser, il risque de se fracturer. Donc, il faut plutôt l'aider. Il n'y a pas de vaccin contre l'épilepsie, mais la prévention réside à plusieurs niveaux. Prenons par exemple pour les accouchements. normalement, il devrait y avoir un accouchement à l'hôpital. Parce que l'accouchement à domicile est à l'origine des infections néonatales. Et ce sont ces infections néonatales qui peuvent endommager le cerveau et qui peuvent plus tard être à l'origine des épilepsies. Deuxième chose, c'est le mode de vie. Éviter l'alcool, éviter le tabac, éviter le stress, éviter la privation de sommeil. Parce que la privation de sommeil, c'est un des facteurs qui peut entraîner la survenue de crise convulsive. Un épileptique peut aussi être soigné et guérir si la maladie est traitée à temps. Si vous êtes déjà diagnostiqué épileptique par votre médecin, il faut prendre le médicament. La plupart des médicaments existent, quoique peu nombreux. Il faut respecter le traitement tel que prescrit par votre médecin. Le traitement doit être pris scrupuleusement à l'heure en évitant les facteurs de risque et le traitement doit être conduit pendant au moins 2 ans minimum. Ailleurs, là où les moyens le permettent, on peut faire aussi la chirurgie. Il y a la chirurgie de l'épilepsie et il y a plusieurs types de chirurgie. En plus des moyens médicamenteux, il y a aussi des moyens chirurgicaux. Les études réalisées dans les pays développés, il est montré que 60% des épilepsies se traitent et guérissent. 20% des épileptiques gardent un traitement, mais sans crise, c'est-à-dire que l'épilepsie est stable sous traitement. Alors que dans 10 à 20% aussi, on a des épilepsies, ce qu'on appelle des épilepsies pharmaco-résistantes, c'est-à-dire malgré le traitement, les crises persistent. Si vous respectez scrupuleusement la prescription médicale, il y a plus de chances que les crises cessent. Le neurologue Patrice Barasukana appelle les personnes présentant déjà les signes d'une épilepsie à consulter un médecin pour confirmation de la maladie. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Eric Ouimana pour la parfaite collaboration technique. Excellente journée à tous. Au revoir.